L'hôtellerie du Gril d'Or, scènes historiques, par Philibert Audebrand. Chapitre 1er. Cela se passait dans les beaux temps du règne de Louis XIV. Un soir du mois de novembre, que le vent mugissait avec force, le comte de Chavigny, alité depuis quelques semaines, prévoyait qu'il était près de mourir. On avait appelé au château des Avelines, où il résidait, le médecin le plus en renom de la ville voisine. « Docteur, disait le malade, vous savez que je vous ai recommandé de ne rien me cacher. Ma fin est proche, je le sens. Tout ce qu'on pourrait faire pour me dissimuler cette invincible vérité n'aboutirait qu'à rendre mes derniers moments plus amers. Ainsi, je vous en conjure, ne me scellez rien. » « Je me conformerai à votre volonté, monsieur le comte. Dites-moi donc combien j'ai encore de temps à vivre. » L'homme de l'art découvrit le malade, il toucha son corps, ausculta sa poitrine. « Ne craignez rien, j'entendrai l'arrêt de la science sans broncher, » reprit le patient. « Eh bien, monsieur le comte, vous avez encore 3 heures devant vous. »« 3 heures ? C'est 3 fois ce qu'il me faut. » Il se tut un moment. « Monsieur le comte désire sans doute mettre ordre dans ses affaires. » Il faisait signe que telle était son intention. « Monsieur le docteur, appelez Candal, je vous prie. Il est là, dans la pièce voisine, attendant qu'on lui dise de venir. » Au bout d'une minute, la porte s'ouvrait et livrait passage à un homme de haute taille, sec, déjà âgé. C'était Candal, un homme d'affaires, l'intendant du comte. Une figure pointue, vrai museau de fouine, comme on dit, était le caractère dominant de cette physionomie. L'ancien conseiller au Parlement de Paris avait toujours eu une confiance illimitée dans ce personnage. « Candal, lui dit le comte d'une voix encore ferme, pendant qu'on va monter à cheval pour m'aller chercher un prêtre à 10 minutes du château, nous causerons ensemble de mes dernières volontés. Bien, approche-toi de mon oreiller. Monsieur le comte sait bien qu'il n'a pas de serviteur plus dévoué que moi, répondit l'homme d'affaires. En voyant la tournure que prenait cette scène intime, le médecin s'inclina et sortit, en prévenant toutefois qu'il ne s'éloignait pas du château. Le comte vida une tasse de tisane afin de se donner des forces. « Robert, dit-il à Candal, apporte sur le bord de mon lit tout ce qu'il faut pour écrire. » L'intendant revint bientôt avec une plume, de l'encre, du papier et un pupitre en bois des îles. « Est-ce tout ce dont monsieur le comte a besoin ?»« Oui, Robert. » Et après avoir essayé la plume, « Sans doute ma main tremble, mais tiens, regarde. » Elle est encore assez ferme pour me permettre d'écrire très lisiblement 10 ou 12 lignes sous forme de placet. Là-dessus, il prit une feuille de grande dimension et écrivit péniblement mais avec fermeté ce qui suit. « À sa majesté le roi. Sire. Je meurs en sollicitant le pardon de votre majesté. Je meurs aussi en priant le roi de ne pas voir d'un mauvais œil les 2 héritiers que je laisse et auxquels je lui demande de laisser porter mon nom. Que Dieu protège le roi. Fait au château des Avelines, le 20 novembre 1681. Léon le Boutillier, comte de Chavigny. » Quand il eut opposé sa signature au bas de l'écrit, le moribond se reposa quelques instants. Bientôt, après avoir repris haleine, il dit à l'intendant, « Ôte tout ce bagage et fais bien attention à ce que je vais te dire. J'écoute, monsieur le comte. Tu vas prendre la lettre que je viens d'écrire et tu la serreras dans la cassette en ébène qui est là, sur ce dressoir. « Fort bien, monsieur le comte. Tu prendras garde qu'elle ne tombe entre les mains de qui que ce soit. J'y veillerai, monsieur le comte. Ce n'est pas tout. Là, au fond de ce secrétaire dont voici la clé, tu trouveras un petit paquet avec cette inscription pour mes enfants. Ce sont les pièces à l'aide desquelles je reconnais pour mien un double péché de jeunesse qu'il ne m'a pas été permis d'avouer de mon vivant. À ce paquet sont joints 2 médaillons représentant 2 petites filles. Aussitôt que je serai enterré, tu te rendras à Nantes avec le paquet et les 2 médaillons. Une note spéciale indique dans quel couvent tu trouveras les 2 enfants. Ce sera ensuite à toi à faire les démarches nécessaires pour arriver auprès du roi et pour les faire reconnaître. As-tu bien compris ? Oui, monsieur le comte. » Ici, la voix du moribond prit un ton plus grave. « Écoute, Robert, tu vois combien la circonstance est solennelle. La volonté des mourants a toujours été une chose sacrée. Il y a dans l'objet quelque chose de plus solennel que dans les cases ordinaires. Il s'agit de la fortune de 2 orphelines, et c'est un maître qui confie son secret à son serviteur. Je sais, monsieur le comte, toute l'importance et toute la délicatesse de la situation. Voilà 20 ans que je vous sers. Ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai à ne point obéir à vos ordres. Tu me jures que tu exécuteras ponctuellement tout ce que je viens de te prescrire. Oui, monsieur le comte, Je vous le jure sur mon salut éternel. C'est bien, je puis mourir en paix maintenant. » Au même moment, un léger bruit se faisait entendre dans l'antichambre. C'était le prêtre qui arrivait. « Robert Candale, n'oublie pas que tu as fait un serment terrible. J'ai juré, et j'agirai en honnête homme, monsieur le comte. » La porte venait de s'ouvrir. « Venez, monsieur le curé, venez vite. J'ai arrangé mes affaires avec les hommes. J'ai besoin avant tout de régler mes comptes avec Dieu. Mon fils, je suis à vous. » On laissa le prêtre seul auprès du mourant. Cette confession de l'ancien conseiller au Parlement de Paris ne dura pas moins de 2 heures. 20 minutes après avoir reçu l'absolution, Léon le Boutillier, comte de Chavigny, exhalait le dernier souffle. En emportant chez lui la cassette en ébène, Robert Candale s'écriait « J'ai fait serment d'exécuter toutes les volontés du comte. Un honnête homme n'a que sa parole. »